Les Avignonnais ont 4 matchs à jouer, 2 à la maison, 2 à l'extérieur. Et ils reçoivent des Cadors. Et ils vont jouer chez des Cadors. Ça semble très très mal engagé ce soir, Fred. Voilà, on suivra bien sûr la journée de championnat qui va débuter dès ce week-end prochain. Nous serons très attentifs aux résultats du Stade d'Avignon, peut-être en Ligue de Provence, en pré-national, juste deux résultats. Bien sûr, l'équipe d'Entraigue perd, se déplacer du côté d'Allier Rousset. Ils ont perdu 85 à 49. Le match s'est rejoué 3 jours plus tard du côté d'Entraigue qui recevait Cabriest. Et là, voici encore une fois, défaite 76 à 57, ce qui les met en mauvaise position dans ce classement général après la 10e journée, puisqu'ils sont 5e, Pernes et Entraigue, qui ont bien sûr été jumelés. Et Allier Rousset, bien sûr, le leader avec 20 points. En pré-donne, c'est surtout pour ne pas descendre de cette pré-nationale, nos amis des Angles qui se déplaçaient du côté de l'Auvergne. Ils ont gagné 83 à 82. Ils recevaient pratiquement toujours. Plus tard, si je ne me trompe, ils se déplaçaient plutôt du côté de Tarascon 3 jours plus tard. Ils ont fait le même score, ils sont allés gagner à l'extérieur, 67 à 66. Ils sont premiers après 10 journées de championnat, ils ont 18 points. Et le bon dernier, c'est Trans Marseille, la pré-nationale féminine. Peut-être Jean-Yves, le seul résultat des filles de la Barbière qui se déplaçaient. Fred, je ne l'ai pas. Si, ça y est, je l'ai, pardon. Les filles de la Barbière se sont imposées à Laragne sur le score de 67 à 59. Les filles de la Barbière sont premières de ce championnat féminin avec 38 points, devant Grasse 36, troisième Sainte-Marguerite, quatrième Golgoth avec 32 points. Allez, on se dépêche, on accélère, on a mis même les pointes parce que Bibi Bougon va venir dans quelques minutes, ça sera l'heure de l'athlétisme. Il y a bien sûr Mounir Yémoni qui est avec nous, Christine Bardel va venir avec nous, Bardel le... je me fais un petit peu taper sur les doigts depuis tout à l'heure par Jean-Pierre Buix. Il m'a dit comme Astérix, il ne faut pas que j'oublie. Il est tellement adorable qu'on est très fiers d'être à Bulle Baroni. Et on va passer la page handball au féminin. Top chrono, handball. Allez, en handball féminin, on va aller là aussi très vite pour parler de cette nationale 3 parce qu'il y avait du suspense, mais il n'y en a pas eu. L'équipe de Mazan qui vise le haut du classement général a disposé de la simple équipe parce que on va dire que l'accro, ce n'est pas le ténor de ce championnat, mais ils ont gagné 43 à 28. Les filles de Carl Vincenot ont brillé à nouveau, ce qui leur permet d'être deuxième au classement général, tandis que Bourg de Péage, le leader, s'est déplacé du côté Rousseau, pardon, hier à domicile. Ils ont disposé 33 à 20. Monsieur Football vient d'arriver. Je continue juste pour vous rappeler qu'en pré-nationale féminine, on surveillait bien sûr nos filles du Sorgue du Comtat. Pernes Monteux qui recevait Miramas, ils ont vraiment fait une belle victoire 36 à 19, tandis que nos amis de Sorgue ne jouaient pas, si je ne me trompe, je ne sais pas le résultat, en tous les cas. Voilà, terminé pour le handball, on va passer à la page au football, puisque Monsieur Henri vient d'arriver, juste avant de s'installer. On va laisser place dans quelques minutes à l'athlétisme avec Jean-Pierre Buix et... Bardel, Christine qui nous accueille ce soir, et Yémoni, et on attend toujours le starter, c'est Bibi Bougon, il n'est jamais à l'heure. Yeah, il n'a jamais été à l'heure. Ouais. Allez, football. Top chrono, football. Merci Henri d'être venu dans ce cadre chatoyant qui est Bulle Baroni. On est au cœur de la Provence, et de cette drôme provençale. Et ce soleil qui est tout doucement en train de décliner sur des couleurs magnifiques comme ces façades multicolores qui nous rappellent bien qu'on est en Provence. Et le football, ce soir, Henri, trois questions. Où va le Pontet? Est-ce que Bulle Baroni sera la capitale du football ce soir, en parlant de ses voisins Nyons qui est venu en PHA cette année et qui a beaucoup de mal à y rester? Donc, bonsoir. Oui. Bonsoir les résultats, bonsoir l'équipe. Donc, pour commencer, le Pontet va très, très, très mal. Donc, ils n'ont pas réussi à relever la tête ce week-end et ont à nouveau perdu, cette fois-ci de justesse, sur un score de 3 à 2 contre hier. La suite, alors, peut-être un petit peu de résultats de cette CFR. On a oublié sûr, on va te poser encore une question, nos amis Pernois. Que font-ils en division d'honneur? Ce week-end était réservé particulièrement au match de coupe. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, mon poulet, c'est vrai. J'avais oublié. Ce soir, on est dans des contractions complètes, je vous le dis. Donc, pour les demi-finales qui sont déroulées concernant la Coupe Rhône-Durance, donc Nov rencontrait Perne et Perne se qualifie pour la finale sur un score de 1-6 à l'extérieur. Donc pour le deuxième match, Val-d'Urance rencontrait Mayenne et pour la deuxième année consécutive, Val-d'Urance va se qualifier également pour la finale sur un score de 5-1 face à Mayenne. Nous passons ensuite en Coupe Roumagou où Gordes rencontrait Loup-Marin et pour la première fois de son histoire, Gordes se qualifie au tir au but face à Loup-Marin. Le match s'est terminé sur un score de 3-3. Oui Henri, on est avec toi. Vas-y Henri, qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. On est très heureux parce qu'on est à Bulle. Attention, Jean-Pierre n'a pas commencé à parler. S'il commence à parler... Ouais, tu devrais te dépêcher Henri parce qu'après tu ne pourras plus me placer. Ok. Pour le deuxième match de la Coupe Roumagou, Oped Mobec rencontrait Autre Provence. Donc Autre Provence gagne 1-2. Nous passons ensuite à la Coupe Espérance. SC Orange rencontrait Mayenne, victoire de Mayenne sur un score de 1-2 à l'extérieur. Et Cavaillon bat Entraigues sur un score de 5-2 à domicile. Donc ensuite, la Coupe Ulysse Fabre. Entraigues bat US Avignon 3-1. CFC Avignon perd contre Jonquière à domicile 0-3. Et le Pontet bat Vedaine 2-1. Les jeunes un petit peu parce que je sais qu'ils sont très attentifs aussi aux catégories de la Coupe Gambardella et aux autres coupes quoi, non? La Coupe Gambardella, j'ai pas du tout fait attention ce week-end à la Coupe Gambardella. Parce qu'ici, ici il y a les cartons jaunes aussi. Des fois les cartons rouges. On verra ça plus tard. Par contre, en Coupe de la Ligue féminine, les Montiliennes se qualifient pour la demi-finale sur un score de 0-3 contre Monaco à l'extérieur. Que nous attend-il ce week-end en football? Parce qu'il y a aussi des rencontres. Est-ce qu'on va repartir avec le championnat? Rhône-Durance, est-ce que tout le monde va se remettre un petit peu le pied à l'étrier? Parce qu'on arrive en fin de championnat et maintenant les points vont au côté. On est sur la dernière ligne droite et j'espère notamment que les équipes qui doivent se maintenir pourront gagner. Et les équipes qui luttent pour la montée aussi sont vraiment sur la ligne droite. Quoi. Donc, Alors, deux mots, bien sûr, je vais te parler de la Ligue 1. Qu'est-ce qu'on pense un petit peu de ce qui se dit? Est-ce que Monaco sera le réel champion de cette Ligue 1? Mon avis personnel, oui. Parce qu'ils ont une équipe qui est assez solide et ils sont très très forts sur toutes les lignes. Tactiquement, dans le jeu, c'est la meilleure équipe pour le moment. Donc, il reste à peu près 7 ou 8 matchs. Je pense qu'ils vont terminer en... on va dire, entre parenthèses, en roue libre. Allez, juste pour l'Olympique de Marseille, tu sais qu'ils reçoivent Dijon ce week-end, et c'est une place, acheter une place gratuite si tu viens avec un enfant. Mais c'est merveilleux, avec l'infameux Minou de l'OM. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'ils font cette offre-là. Ça, je crois que c'est le troisième match, si je ne me trompe pas. C'est intéressant pour les pères de famille, et surtout, actuellement, ils commencent à pousser fort derrière l'équipe. Ils sont européens, tu penses? Ça va être très dur. Oui, l'arrive. Je crois que François... Ah oui, je l'avais oublié, il avait le coffre. Il me semblait que depuis tout à l'heure, ça klaxonnait au téléphone. Allons-y, François.